Jouri est apparu. Dans le noir du stream, j'ai allumé la lumière. Pseudo dans un coin de chat, un mec paumé avec un casque en vrac, mais je parlais vrai. Je cliquais vite et peu à peu j'ai gravé mon script. Les fausses pressaient, les vrais restaient. Mon stream, une guerre qu'on n'oublie jamais. Je fais pas de promesses, je tape dans le vrai. Chaque viewer devient soldat discret. On le voit clair, il arrive sans prétention, mais t'as qu'à l'écouter, c'est une détonation. Dans son regard, y'a tout le feu du net. Dans sa voix, l'histoire d'un mec honnête. Il lit le chat comme on lit un journal. Avec chaque pseudo, il déclenche un signal. C'est pas du show, c'est pas du faux, c'est une ligne de feu sous le chaos. Raiders qui tes noms qu'on chante sans pleurer. Tu portes nos voix à toutes. T'es la flamme dans l'ordinateur. Un guerrier du stream, porteur d'honneur. Mec à voix nasale, attitude. Les petits streamers cherchent le buzz à l'usure. Mais Raider Skill, il kick dans le dur. Il a pas besoin de filtre, ni de réaction. Juste une voix, une mission. Et le drop c'est précis, chirurgical. Le chat explose, c'est phénoménal. Il vise pas les vues, il vise l'impact. Chaque punchline est un contact. Plein de voix grave et claire avec clair. Y'en a qui stream, y'en a qui marque. Mais lui, il t'attrape au démarrage. Raider Skill, c'est pas du hasard. C'est un nom, un feu, un rempart. Quand il parle, chant que ça me porte. Quand il s'absente, chant le vide. Je m'emporte, c'est plus qu'un pseudo. C'est une vibe, une résistance dans cette vibe. Raiders Skill, t'es pas un stream, t'es un sermon. Une ligne de feu, un bâton. On se connecte pour ta voix, ton moment. Raiders Skill, éternel maintenant. Je viens pas pour divertir, pour allumer l'esprit et cramer tous les faux profits. J'ai vu les chiffres, je les ai laissés fuir. Moi je veux les vrais, les regards qui brillent. J'ai pas besoin de drapeau ou d'emblème. Ma voix suffit, elle règle les thèmes. On le suit dans l'ombre et dans la lumière. Il parle, on écoute, c'est comme une prière. Le gaming, le flow, c'est pas que du fun. C'est une passion, et de ce qu'elle la donne. Raider Skill, t'es le feu, t'es la ligne, t'es le stream, t'es le nous.